franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute. Coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Pas de petit laïus sur une ville ni sur sa région aujourd'hui. Ah bon ? Eh oui, comme je te le dis, Marga. En effet, notre auditrice d'aujourd'hui nous appelle d'un endroit secret. Première nouvelle. Et notre auditrice est elle-même une auditrice mystère. Ah, on doit deviner c'est qui, comme chez Laurent Ruquier. Et non, car notre auditrice mystère ne souhaite pas être reconnue, c'est donc pour ça qu'elle a modifié sa voix. C'est qui ? Ah ben non, c'est un mystère. Ah. Alors bonjour Jeanne, puisque vous souhaitez vous faire appeler ainsi. Bonjour docteur, bonjour chère Margaret. Bonjour chère Jeanne, même bonjour. Si je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes qui ? Jeanne Masse ? Mais non, c'est un pseudonyme. Alors, Jeanne, la mystérieuse, le problème est-il si grave qu'il faille vous grimer la voix ? Le problème est simple, mais très handicapant, surtout dans mon métier. Un métier très exposé qui m'oblige aujourd'hui à me dissimuler, moi qui n'en ai pas l'habitude, croyez-moi. Alors, pourquoi ne pas être venue directement dans mon cabinet, plutôt ? Docteur, vous êtes victime de votre succès et vous n'avez pas de créneau avant en fin juin. À la voix, j'aurais dit Muriel Robin. Ben non, puisque non, c'est pas Jeanne, donc non. Et je n'ai pas voulu utiliser nos accointances, que nous avons nombreuses. Oh, on a des amis en commun. Bon, qui ? Eh bien, nous respecterons votre désir de discrétion. Alors, que vous arrive-t-il, chère Jeanne ? Comme je suis quelqu'un de direct et de franc, ce qui me vaut d'ailleurs souvent les foudres de mes détracteurs, comme vous pouvez l'imaginer. Oula. Eh bien, mon problème, c'est que quand je parle, ça sent très, très mauvais. Or, je parle très souvent et en public, n'est-ce pas ? Ouais. Peut-on définir l'odeur ? Alors, vous savez, hein, pas d'euphémisme, hein, allons-y. Oh, c'est pas le genre de la maison. Ça sent la fosse sceptique. Ah, oh, je sais. Comment s'appelle déjà ? Si, tu sais l'animatrice, la petite, très connue. Non, je ne suis pas animatrice. Bref, j'ai essayé évidemment les dentifrices puissants, des pastilles pour l'estomac, je me fais des bains de bouche au schnapps, rien n'est fait, n'est-ce pas ? Vous faites attention à votre alimentation ? Oui, je suis très légume. Plus du tout de knuddles, ni autre choucroute garnie, je suis sage comme une image, mais ça sent de plus en plus fort, toujours d'après mes détracteurs, car dans mon milieu proche, ça ne gêne personne. J'ai cru que c'était des boules de gazéum. Oui. Vous voyez ? Oui. Et le caséum, ça sent très mauvais, non ? C'est... Bah oui, ce sont de très petites boules blanches qui sortent des amygdales. Ah ! Ah ! Sauf que ça peut pas être ça, parce que moi, les petits bouts hein, qui sortent sont marrons, c'est ça ? Ouais, donc ça ressemble plus à de la... Bah oui, voilà, c'est un vrai problème. Je porte souvent des chemisiers blancs, et en fin de journée, je me retrouve quasiment en chemise brune, sans compter les postillons microscopiques que je vois s'accumuler sur les verres de lunettes de mes interlocuteurs, c'est pas ? Qui prennent ça pour une forme de provocation, et c'est pas le mot, c'est pas ? Oh, je vois pas du tout. Peut-être Anne Sinclair. Mais non, elle a dit qu'on avait des amis en commun. Ah oui, ah ben non alors. Oui, alors si je comprends bien, ce sont surtout vos détracteurs hein, que ça importune. Et dans votre famille, avec vos amis, ça pose aucun problème. Aucun. Mon mari m'affirme que tout va bien, mes collègues, mes enfants, en revanche. Mon père, qui, n'ayant qu'un œil, n'est-ce pas, a surdéveloppé l'odorat de la narine opposée à l'œil creusé, m'a glissé à l'oreille qu'il y avait une odeur, une drôle d'odeur qui s'échappait de ma bouche et que du coup... ça pouvait me rendre antipathique. Bon, écoutez Jeanne, si je comprends bien, il y a deux éléments distincts qui vous mettent dans l'embarras. Alors dites-moi si je me trompe. Premièrement, la matière projetée, et deuxièmement, l'odeur qui s'en dégage. C'est exactement ça, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui vous empêche, chère Jeanne, de croquer une ou deux, vous savez, ces petites boules désodorisantes qu'on place dans les urinoirs, qui sont incroyablement efficaces, voyez ? Et puis alors, quant aux projections de matière, eh bien je vous suggère le port de la voilette. Alors attention, hein, je parle des voilettes qui firent le charme des galantes du 19e siècle. Hein, il ne s'agit pas de vous mettre en burqa. Et puis, bien sûr, il n'est pas question pour vous de faire ça jour et nuit, hein, mais au moins quand vous êtes en meeting. Si j'ai bien compris qui vous êtes. C'est qui ? J'ai été extrêmement surprise, on va dire agréablement surprise hein, que ce monsieur Val ait eu l'ouverture d'esprit de placer des gens de votre qualité à son antenne de France Inter. À moins que ce ne soit encore une manœuvre élyséenne pour ratisser des voix dans les rangs de mon parti. Ah, c'est trahite. C'est Eva Joly. Mais non, elle a un accent, Eva Joly. Ah oui, mais elle aurait pu ne pas le prendre exprès pour qu'on la reconnaisse pas. Et je tenais à vous dire à tous deux que ça fait du bien d'entendre certains propos de bon sens et de morale sur une antenne publique. Oh. Merci beaucoup, madame. Ah oui, merci. Ça fait chaud au cœur parce que nous, on y met tout notre cœur. Eh bien, ça s'entend, croyez-moi. Et sachez que dans la famille, au sens le plus large du terme, ça, on vous écoute et... Coûte que coûte. Ah. Eh bien, merci encore. Et avant de nous quitter, chère Jeanne, si votre problème persiste, une autre solution existe. Eh bien, restez avec vos semblables, car quand on a tous la même odeur, on ne sent mauvais pour personne. Et un dicton du jour, pour le coup, dédié à votre cher papa. Au pays des aveugles, le borgne est roi. Allez, au revoir, ça. Au revoir, Jeanne. Et on croise les doigts pour dimanche. Hein. Oui. Merci, ça. Merci. Ah, j'ai l'impression de quitter une amie de colo. Bon, c'était qui ? Bon, Marga. Je sais pas. Bon. Merci en tout cas, Yann Chouquet, d'avoir réalisé cette émission. Jeanne Moreau. Non, elle s'appelle pas Jeanne en vrai. Bon, merci. Je merci vois à pas. Vous tous. Merci à vous toutes. Merci, Margaret. Merci, Philippe. Jeanne. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant. Carnet de campagne avec Philippe Bertrand.